Mais cette Coupe du Monde de football qui vient de s'ouvrir à quelque chose d'unique, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, pour les professionnels, les entraîneurs, les supporters aussi, ça veut dire beaucoup. La FIFA a donné son accord pour déployer un système de tracking live sur les joueurs pendant les matchs. Ce sera donc la première Coupe du Monde de foot avec production de données en direct via donc un capteur GPS, une tendance qui s'amplifie largement dans le sport ces dernières années, petit à petit, sport par sport, du collectif à l'individuel, jusqu'à peut-être transformer le rapport au jeu et les pratiques sur le terrain. Monde de football, reprise de données, c'est le programme d'entraînement qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos trois analystes sportifs, devenus eux aussi analystes de données, sont aujourd'hui Patrick Roult, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle haut niveau de l'INSEP. Bonjour Loïc Moreau. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau éditorial d'Opta France et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Lorraine Nord à Metz avec Pierre-Jean Vazel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur à l'athlétisme Metz Métropole et consultant pour le Monde Sport. Mais avant d'enfiler les capteurs et les crampons bien sûr et de s'engager sur le terrain, on refait le match de l'actualité scientifique de la semaine avec Zoé Sfès pour le journal des sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le journal des sciences. Et on commence ce journal des sciences par cette équipe de chercheurs français qui a découvert pour la première fois une exoplanète en cours de formation grâce à sa signature dynamique. Et ces résultats suscitent l'enthousiasme dans la communauté scientifique. Ils ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters cette semaine. Cette planète dont on parle, elle est située à l'intérieur du disque de matière HD 163-296, c'est le nom assez sexy de cette galaxie. Il orbite par définition donc autour d'une autre étoile que le Soleil, bien sûr. Une étoile toute jeune, à peine âgée de 4 millions d'années. Christophe Pintz de l'université de Monash en Australie l'a détectée grâce à l'interféromètre ALMA. Et c'est la première fois qu'un signal dynamique permet la détection d'une telle planète. Cette étoile est située à 330 années-lumière de la Terre. Et on s'est intéressé à cette étoile parce que c'est une étoile jeune, elle a que quelques millions d'années, et c'est une des étoiles jeunes qui est la mieux connue, dont le disque protoplanétaire est le mieux connu. Il y a des images qui ont été obtenues dans le domaine visible avec le télescope Hubble, par exemple. Et donc c'est un disque qui est particulièrement intéressant. Là, le but initial de ces travaux n'était pas de chercher une planète, en fait, c'était d'essayer de comprendre la structure des disques de gaz et de poussière qui tourne autour des étoiles en cours de formation. Donc on a utilisé l'interféromètre ALMA au Chili pour essayer de mesurer le contenu en gaz dans le disque. Et donc ces disques, à cause de la gravité de l'étoile centrale, sont en rotation autour de l'étoile et donc ont un champ de vitesse qui est bien connu. On a découvert qu'il y avait une anomalie. On a vu que la vitesse de rotation n'était pas conforme à ce qu'on attendait. Et c'est un peu comme si vous imaginez une petite rivière dans laquelle il y a un caillou. Si vous mettez un caillou au milieu de la rivière, ça va générer une espèce de vague. Et donc ce qu'on a détecté, c'est cette vague au sein du disque. Et donc ça nous indique qu'il y a un corps dans le disque. Alors on pense que c'est une planète parce que la déviation du champ de vitesse qu'on voit dans le disque est très localisée. Elle est à un seul endroit, une certaine distance donnée et un certain angle par rapport à l'étoile. Pour produire cette déviation, il faut qu'il y ait localement un objet. Et ce qui nous fait penser que c'est une planète, c'est parce qu'en comparant avec des simulations numériques où on met justement une planète en rotation autour d'une étoile dans un disque, la déformation que l'on observe correspond exactement aux prédictions d'un modèle avec une planète dont la masse est deux fois la masse de Jupiter. Et si cette découverte venait à se confirmer, elle permettrait d'améliorer considérablement nos modèles de connaissance de formation des planètes. Et parce qu'il faut le dire quand même, aujourd'hui, jusqu'ici, on n'a pas beaucoup, voire mal, enfin en tout cas mal observé la formation des planètes. En tout cas, à chaque fois qu'un article annonçait avoir trouvé une exoplanète en formation, c'était surtout grâce à de l'imagerie, donc pas par rapport à des calculs. Et ces découvertes n'ont jamais pu être confirmées. C'est-à-dire que d'autres télescopes n'ont jamais confirmé confirmé ces annonces. Ici, plusieurs télescopes, dont le VLT, le télescope géant de l'ESO qui est au Chili, vont scruter HD163-296 en sachant exactement où chercher pour confirmer cette découverte. Et si on avait vraiment affaire à une planète, eh bien les modèles théoriques dont on dispose pour expliquer la naissance des planètes aujourd'hui risquent d'être sacrément bouleversés. Pourquoi ? Parce qu'aucun des deux scénarios établis qu'on connaît, en tout cas qu'on a prévu pour la naissance de planètes, ne permet d'expliquer la présence de celle-ci dans ce disque. M'expliquait François Ménard, il est chercheur à l'Institut d'astrophysique de planétologie de Grenoble et c'est l'un des co-auteurs de cet article. La perturbation de la planète qu'on trouve, elle est relativement loin de son étoile centrale, à quelques centaines d'unités astronomiques. Et puis les théories actuelles de formation des planètes prédisent que de telles planètes en formation ne devraient pas exister. Et pourtant, on les voit. Les deux théories les plus en vogue, c'est soit le disque entourant l'étoile est très massif, auquel cas il serait autogravitant, si vous voulez, ou instable face à la gravité. Donc le disque lui-même pourrait s'effondrer sous l'effet de la gravité et former quelques petits cœurs moléculaires ou amoncellements de matière qui s'effondreraient sous l'effet de la gravité pour former des planètes. Dans HD 163-296, on pense pouvoir estimer la masse du disque. Elle est trop faible pour que le disque soit autogravitant. Donc, si la planète est en formation aujourd'hui, c'est pas sous l'effet de l'autogravité ou d'une instabilité gravitationnelle. On ne croit pas. L'autre mécanisme pour former des planètes, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la core accretion model. C'est un certain nombre de cailloux, de roches, de planétésimaux qui finissent par former un cœur rocheux, donc de quelques dizaines de masses de la Terre, et qui devient suffisamment massif pour attirer, par sa propre gravité, une quantité énorme de gaz pour éventuellement former une planète géante, Jupiter ou Saturne, par exemple. Le problème avec cette théorie, c'est que pour former le cœur rocheux de quelques masses terrestres, ça prend du temps. On pense que HD 163-296 est trop jeune, que ce mécanisme-là n'aurait pas nécessairement eu le temps de se produire. Mais c'est dans ce sens-là que des découvertes comme celles qu'on vient de faire demanderont peut-être des révisions des modèles. En bref, le LHC, le grand collisionneur de Hadron, se fait une petite cure de jouvence, Zoé. Tout à fait. Eh bien, il deviendra un LHC à haute luminosité à partir de 2026. Les travaux débutent cette semaine, ont indiqué en conférence de presse ce matin les équipes du CNRS et du CEA, parce que je rappelle que la France contribue de manière importante à ce projet, à hauteur de 180 millions d'euros, masse salariale incluse. Il s'agit donc d'améliorer la luminosité du collisionneur, qui est déjà en service depuis 2008, d'un facteur 5 pour concentrer le maximum de particules dans l'espace le plus réduit possible et ainsi augmenter le nombre de collisions au moment du croisement des deux faisceaux de protons. Ça permettra notamment aux scientifiques d'étudier des phénomènes rares, d'obtenir des mesures de grande précision, indispensables pour bien comprendre les propriétés du fameux boson de Higgs. Et puis le retard dans la nomination du nouveau directeur de l'INSERM est dénoncé par le journal The Lancet, qui parle de la grande opacité du processus. Elle était censée intervenir le 12 juin, la nomination du nouveau directeur de l'INSERM, et elle a pris du retard alors que l'éventuelle reconduction à la tête de cet institut du professeur Yves Lévy, qui est le mari d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a suscité des controverses. Dans un édito au ton assez inhabituel, la revue prestigieuse médicale britannique The Lancet pointe, je cite, un potentiel conflit d'intérêts et juge que la situation crée, que la réputation du milieu scientifique français a été endommagée par ce potentiel conflit d'intérêts. Elle a revu déplore que l'identité des candidats et le processus de nomination du nouveau directeur restent encore entourés d'incertitudes et note que parmi les 8 candidats en lice, seuls 2, Philippe Frogel et Jessica Zuckmann-Rossi, ont rendu leur candidature publique. Deuxième sujet de ce journal des sciences, l'état de l'Antarctique en 2070 dépend des choix qui seront faits dans les 10 ans à venir, indique une étude internationale et multidisciplinaire parue dans la revue Nature. Et ce futur, il peut être soit catastrophique, soit assez radieux. En tout cas, cette étude présente deux scénarios extrêmement contrastés qui sont tous les deux plausibles. Ces auteurs sont tous lauréats du prix prestigieux Tinker Muse pour leur recherche autour du continent antarctique. Ils sont soit experts dans des domaines très variés, la biologie, l'océanographie, la glaciologie, la géophysique, les sciences du climat. Parmi eux, on retrouve la paléoclimatologue au CEA, Valérie Masson-Delmotte. Alors, un premier scénario, c'est un scénario de la poursuite d'un mode de développement qui n'est pas durable, où la pression sur les ressources, y compris minières, y compris alimentaires, marines, augmente sans cesse. Et dans ce cas-là, en 2070, on aura des bouleversements majeurs dans une région qui semble pourtant éloignée, l'Antarctique, un réchauffement en Antarctique comme en moyenne globale, l'effondrement de certains écosystèmes particulièrement uniques, le krill qui est une sorte de petite crevette qui est à la base de l'écosystème de l'océan Austral, et puis les espèces plus visibles de manchots. Un monde très différent en Antarctique, mais ce qui se passe en Antarctique n'y reste pas. Et donc des conséquences aussi à grande échelle, puisque le fait de déstabiliser certaines plateformes de glace flottantes entraînera à ce moment-là, pendant plusieurs siècles, une montée extrêmement importante du niveau des mers. Alors l'autre scénario, c'est un monde de coopération, de développement soutenable, avec une transition, donc une décarbonisation. Dans ce cas-là, pour l'Antarctique, les conséquences, elles sont assez minimes. Un réchauffement de moins de 1 degré de plus qu'aujourd'hui, un réchauffement limité de l'océan austral, une petite perte de l'extension de banquise en été, un petit amincissement des plateformes de glace flottantes, mais qui n'entraîne pas une déstabilisation de l'écoulement de la glace stockée sur le continent. Alors, en ce qui concerne l'évolution future du climat, de la biodiversité, on s'appuie de plus en plus sur ce travail de scénarisation. Dans cet article, on l'a fait de manière plus simplifiée, on l'a fait pour étayer des narratifs délibérément contrastés, mais les deux sont plausibles, faisables. Et les choix qui vont être faits ou qui ne seront pas faits dans les 10 ans à venir vont jouer un rôle important sur les conséquences d'ici à 2070. Et en bref, une étude publiée dans la revue Science estime que l'expansion humaine conduit de nombreux animaux à adopter un mode de vie nocturne. Et oui, en se concentrant sur 76 travaux de recherche conduits sur 5 continents depuis plus de 25 ans, les chercheurs ont recueilli des données concernant l'équilibre entre jour et nuit de 62 espèces selon qu'elles se trouvaient exposées ou non à la présence humaine. Et 83% des études font apparaître une augmentation du temps de vie nocturne en présence des humains. C'est considérable pour certaines espèces, dans des proportions notables. En moyenne, les mammifères ont vu leur nocturnalité croître d'un facteur 1,36. Plusieurs gouffres chez plusieurs animaux, par exemple chez les léopards du Gabon. Ils sont nocturnes à 46% dans les zones non soumises à la chasse et nocturnes à 93% là où les hommes les traquent. Et puis la grande majorité des plus vieux baobabs d'Afrique est en train de disparaître. 9 des 13 plus vieux baobabs du continent, âgés de plus de 5000 ans, sont morts au cours des 12 dernières années. Une mortalité d'une ampleur sans précédent frappe ces arbres emblématique de la savane, alerte c'est en début de semaine des chercheurs dans une étude parue dans Nature Plants. Ils évoquent le dérèglement climatique comme possible cause de cette disparition. Ils n'en ont pas de preuves, mais la région dans laquelle les baobabs millénaires sont morts est l'une de celles où le réchauffement climatique est le plus rapide en Afrique. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de Science Improbable, puisque c'est tout un week-end consacré au sport et à la Coupe du Monde de football sur l'antenne de France Culture, eh bien on va précisément parler d'une étude en neurosciences qui confirme qu'être supporter rend fou. Oui, mais c'est une folie douce. Parlons peu, parlons sport. Cette étude, elle émane de neuroscientifiques français et brésiliens qui s'intéressent à l'activité cérébrale qui est liée à des comportements altruistes qui traduisent un phénomène d'identification au groupe. Alors évidemment, le supporter est un sujet idéal en la matière, puisqu'il permet disposer d'un groupe naturel, finalement, où le sentiment d'appartenance est réel. Alors, ils ont recruté où ça ? À Rio, la ville du foot par excellence. 27 supporters des principaux clubs de la ville. J'ai des invités en studio. Est-ce qu'ils les connaissent ? On ne sait pas. Botafogo, Flamengo, Fluminense et Vasco da Gama. Personnellement, j'aime beaucoup Flamengo. Il s'agissait de les soumettre à un test de motivation un peu particulier pendant que leur cerveau était observé par IRM. Alors l'idée, c'était chaque sujet devait actionner d'une main un capteur de force pour gagner une somme d'argent proportionnelle à l'effort fourni. Autrement dit, plus les participants appuyaient, plus la somme était importante. Il y avait 3 types d'efforts proposés. Dans le premier cas, l'argent revient à celui qui appuie. Dans le deuxième, il revient à d'autres, aux supporters de son équipe. Et dans le troisième, à des supporters d'une équipe adverse. Alors bon, effectivement, on s'est très vite rendu compte qu'on gagnait plus d'argent pour ses propres supporters, mais on gagnait toujours plus d'argent pour soi. Mais l'intérêt de l'expérience réside ailleurs. Il est apparu que les supporters agissaient vis-à-vis des autres supporters de leur équipe, même des parfaits inconnus qu'ils n'avaient jamais vus, de la même façon qu'ils le feraient avec des membres de leur famille, puisque la partie médium du cortex orbitofrontal, qui s'active dans les 3 configurations du test, nouait des connexions extrêmement fortes avec le cortex singulaire antérieur lorsque l'effort était fait pour un fan de l'équipe, pas pour soi, pas pour celui de l'autre. Or, cette deuxième zone du cerveau, elle est connue pour être impliquée dans les comportements altruistes et les sentiments d'affiliation à un groupe, en particulier à la famille. Une connectivité fonctionnelle donc qui montre qu'il y a un lien très fort, mais qui a un phénomène d'appartenance qui peut aussi être source de solidarité, mais aussi de fanatisme. C'est ce qu'on voit par exemple dans des crimes liés à la famille. Vous êtes juste en train de nous dire que les neurosciences nous disent que les supporters sont des grandes familles. Ils sont très mignons, mais en même temps, ils peuvent faire des folies comme ils le feraient pour leur famille, sauf que quand même, ils ne les connaissent pas. C'est un petit peu la chose étrange. Merci beaucoup Zoé, on vous retrouve la semaine prochaine. En me servant de cette équation en haut à gauche, j'ai pu calculer qu'il nous faut au moins 99 victoires si on veut accéder aux séries d'après-saison. Il faut qu'on marque au moins 814 points pour gagner ces parties. Et on ne doit pas accorder plus de 645 points. C'est quoi ça ? Ça, c'est un programme que j'ai conçu pour nos projections d'une année à l'autre. J'y incorpore tous les renseignements dont on dispose afin de prédire les performances des joueurs. D'accord. Et le tout, c'est d'arriver à une note d'évaluation finale. En analysant les statistiques à notre manière, nous pourrons déceler chez un joueur une valeur que personne d'autre n'a vue. Beaucoup de joueurs sont sous-estimés pour un tas de raisons subjectives et à cause de soi-disant handicaps. L'âge, l'apparence, la personnalité. Bill James l'a parfaitement démontré avec sa méthode mathématique. Billy, parmi les 20 000 joueurs dignes d'être évalués, je pense qu'il y a une équipe championne de 25 joueurs que l'on peut s'offrir. Parce qu'ils sont systématiquement sous-évalués. Une vraie couvée de vilains petits canards. Voilà, c'est un extrait du film de Bennett Miller, Le Stratège, avec Brad Pitt. Adaptation du roman de Michael Lewis, dont le titre original est à mon sens plus parlant que sa traduction. Le titre original en anglais, c'est Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game. L'art de gagner un jeu injuste. Ou l'histoire vraie du manager de l'équipe de baseball des Athletics d'Oakland, Billy Beane, qui se plonge dans la statistique pour tenter d'optimiser au maximum les performances de ses joueurs et de remporter le championnat. Parce que c'est bien du baseball que tout est parti, que les statistiques ont peu à peu gagné du terrain dans l'analyse des matchs, des performances des joueurs, avec l'augmentation de la puissance de calcul des machines. Aujourd'hui, une rencontre sportive, ce sont des milliers de données à interpréter, à analyser, à décortiquer. Et comme je le rappelais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, cette Coupe du Monde de football qui vient de débuter va être la première à avoir des joueurs qui portent des capteurs en direct pendant les rencontres et donc à produire de la statistique et de la donnée en live. D'où le thème de notre émission du jour, Coupe du Monde de foot, reprise de données, en compagnie de Patrick Roult, qui est chef du pôle haut niveau de l'INSEP, Loïc Moreau, responsable du bureau éditorial d'Opta France, qui analyse ces données, on ira tout à l'heure dans le reportage du jour, et depuis les locaux et les studios de nos camarades de France Bleu, Lorraine Nord à Metz, Pierre-Jean Vazel, qui est entraîneur à l'athlétisme Metz Métropole et consultant pour le monde sport. Peut-être pour commencer cette table ronde, de quelles données parle-t-on? Qu'est-ce qu'on cherche à récolter quand on fait de la statistique sportive, Loïc Moreau? Alors, tout dépend, parce que par exemple, chez Opta, nous, on analyse les actions avec le ballon. Donc, on ne fait pas de tracking, comme vous avez évoqué, Nicolas. Ça, c'est quelque chose de très particulier, puisque cela nécessite des balises, notamment de GPS, ou alors un système de caméra capable de pouvoir évaluer la distance ou le chemin parcouru par un joueur. Donc nous, chez Opta, on se base en fait sur le signal télé. C'est comme ça qu'on analyse et qu'on collecte les données. Et toutes ces données seront donc forcément celles avec le ballon. Donc ce sera le nombre de ballons touchés, ce sera le nombre de passes, ce sera le nombre de tirs, le nombre de tacles. Mais voilà, il y a plusieurs niveaux dans la collecte de data. Et chez Opta, c'est celui-ci pour lequel on a opté. Mais ce n'est qu'un type de collecte de données, Patrick Roult. Il y a d'autres données qui peuvent être collectées. Effectivement. Les données, de plus en plus et récemment, ont connu des nouveaux développements, en tout cas les collectes de données. Donc, on l'évoquait, le tracking permet d'avoir des données d'accélérométrie individuelle des joueurs. Et puis, il y a beaucoup de travaux actuellement, et le MIT a publié il n'y a pas très longtemps des études très intéressantes sur des données de physiologie interne à partir de capteurs non invasifs qui sont embarqués par les joueurs pendant les entraînements ou pendant les matchs. Cette collecte de données statistiques, aujourd'hui, elle est complètement intégrée, complètement répandue dans l'analyse et la pratique sportive, Pierre-Jean Vazel ? Oui, surtout dans les sports d'équipe qui arrivent à s'organiser pour collecter ces données et les analyser. Moins dans d'autres sports, même si ça existe depuis très longtemps, l'approche chiffrée du sport qui ne va pas de soi. En Grèce antique, le sport existait pendant un millénaire et il n'était pas vraiment question de chiffres. Là, il est question de chiffres depuis la fin du 19e et... certains sports, se sont comme le baseball, vous l'avez dit, se sont emparés des chiffres pour en faire des mathématiques et des statistiques. Mais c'est vrai que à partir du moment où on peut mesurer et mettre un chiffre sur n'importe quoi, ça donne le vertige. On peut quantifier tout et n'importe quoi. Vous le dites, hein, on va refaire un petit tour d'historique effectivement de l'utilisation de ces statistiques, mais ça, c'est vrai que dans la pratique moderne du sport, ça, c'est quelque chose, Patrick Roux, qui a toujours existé. On parlait du baseball, mais au tennis aussi, dans les sports individuels, on essaie de quantifier. C'est pas nouveau, là il y a un changement d'échelle via les progrès technologiques, informatiques. Oui, il y a un changement d'échelle. On a toujours, enfin, depuis très longtemps, on a quantifié. Parce que quantifier, ça permet de donner une valeur. Et quand on donne une valeur à quelque chose, on voit tout de suite la capacité à en faire une activité marchande. Donc très rapidement et très tôt, beaucoup de gens se sont intéressés à la mesure et à la quantification dans le monde du sport. Mais depuis toujours, dans le monde du sport, on s'intéresse à des mesures. Donc on a mesuré, on a chronométré, tout simplement. Et Pierre-Jean Vazel, vous le direz beaucoup mieux que moi, on a chronométré depuis très longtemps. On est passé du chronomètre à main au chronomètre électrique. Et à un moment donné, on a abandonné le fil qui permettait de déterminer qui gagnait pour s'en tenir à des cellules photoélectriques. Mais on a mesuré dans beaucoup de sports. Alors les sports mécaniques, par exemple, dans la Formule 1, on mesure et on prend énormément de données depuis très très longtemps, depuis bien avant la plupart des autres sports. Il se trouve que avec la technologie vidéo, qui permet maintenant de discerner d'une façon extrêmement précise l'ensemble des activités des joueurs sur le terrain, et puis ces technologies GPS, de tracking, qui vont permettre de donner des mesures de plus en plus précises de l'activité sur un terrain. Pierre-Jean Vazel, sur cette question, est-ce qu'il y a effectivement un changement d'échelle aujourd'hui? On peut vraiment tout mesurer aujourd'hui? Il faut choisir de mesurer, on ne mesure pas systématiquement les mêmes choses à destination du même public. Certaines statistiques sont destinées au grand public et aux médias, d'autres sont destinées aux entraîneurs. Est-ce que ce sont les mêmes statistiques? Comment est-ce qu'on gère cette quantité, cet afflux massif de données qu'il faut ensuite pouvoir interpréter? Oui, tout dépend effectivement ce que l'on veut mesurer. Si on prend le point de vue du physiologiste ou du biomécanicien ou simplement de l'entraîneur ou du psychologue même, toutes ces approches peuvent générer différentes qualités de mesure et fournir des quantités de chiffres, alors qui peuvent servir en interne, et là elles seront utilisées par les staffs avec une sorte de sceau du secret. Et d'autre part, elles peuvent être une partie peuvent être communiquées pour faire la promotion de son savoir technologique, comme c'était fait dans les pays de l'Est durant la guerre froide, ou plus récemment par les médias, parce que les chiffres ou les graphiques qui seront produits lors de cette Coupe du Monde de football, ou ceux qui étaient produits juste après les matchs à la dernière Coupe du Monde. Je pense à ces petits graphiques qui montraient l'évolution des coureurs, on va dire les plages d'occupation du terrain par les coureurs. Ça donnait des petits graphiques comme ça, rectangulaires, qui étaient tout à fait beaux. En fait, la data comme représentation du sport, on ne peut pas non plus évacuer la dimension esthétique et de contemplation et de fascination qu'elle peut exercer sur le public, en tant que tel, le chiffre ou le graphique en tant que tel. Il y a quelque chose de satisfaisant effectivement dans le fait de pouvoir... Aujourd'hui c'est tellement répandu qu'il y a une émission sur Canal+, hein, Data Room, qui passe toutes les semaines au crible l'ensemble de ces données. Et il y a quelque chose effectivement à destination du grand public, des supporters, qui est très satisfaisant de se dire « Ah tiens, on peut quantifier tout, le temps passé sur le terrain, le temps passé à courir, le nombre de passes exactes, la seconde, et on peut quantifier... » Mais en fait, alors malheureusement, presque un plaisir de collectionneur, j'allais dire. Bien sûr, bien sûr, la data room malheureusement n'existe plus. Mais c'est vrai que le simple fait qu'elle ait existé, ça en dit long à la fois sur l'évolution et la place des stats dans les médias sur les 10 dernières années. Mais pour revenir à ce que disait Pierre-Jean, effectivement, il y a vraiment deux niveaux de lecture. L'utilisation des statistiques qui est faite, par exemple, au sein des clubs. C'est quelque chose qui va être fait vraiment en secret. Il est évoqué le secret, c'est tout à fait ça. Ça va être quelque chose qu'on va jalousement garder pour justement essayer d'accentuer la performance et réussir à dépasser l'autre, puisque c'est l'intérêt aussi de la stat, c'est d'être dans la performance et d'être meilleur que l'autre. Et pour les médias, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va justement utiliser ces datas dans un but de toucher le plus de personnes possible, d'apporter un nouveau niveau de lecture. Et vu que la stat prête par définition à débat, c'est quelque chose qui va être utilisé, qui a de plus en plus été utilisé par les différents médias. Et on est arrivé justement à ce genre d'émission comme la Data Room, qui était inimaginable il y a une dizaine d'années, clairement. Cette utilisation massive des statistiques dans le sport, ça vient des États-Unis. L'Europe, Patrick Hoult, a traîné un peu des pieds avant de s'y convertir totalement ou pas? Elle a traîné un peu des pieds, oui. Je ne crois pas qu'elle soit spécifiquement en retard. Il se trouve que les sports typiquement américains sont des sports qui naturellement génèrent un intérêt pour les données parce que ce sont des sports extrêmement codifiés et avec des phases de jeu extrêmement prévisibles. Le baseball notamment. Le baseball, mais le football américain le football aussi. Américain. Les tacticiens dans le football américain ont codifié le jeu d'une telle sorte que les données sont beaucoup plus importantes. En Europe, sur le football, par exemple, ou sur le rugby, les aléas de match sont beaucoup plus importants et la créativité des joueurs sur le terrain est beaucoup plus importante. Donc il est beaucoup plus difficile de trouver des invariants dans les données qui sont collectées et à partir de ces invariants, essayer de développer des stratégies. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que la data individuellement, les données individuellement, ne sont pas toujours tout à fait signifiantes. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui leur donnent une signification. Il faut qu'il y ait des gens qui comprennent ce qui se passe. C'est un élément qui nous rend intelligible d'une façon différente ce qui se passe sur le terrain. Mais ça n'est pas forcément toujours tout à fait signifiant. Et donc il y a un vrai travail d'analyse qui doit être fait et qui doit rendre ces données signifiantes pour qu'elles soient utiles. C'est quelque chose... Je voulais juste rebondir sur ce que disait Loïc par rapport à l'Europe. Je crois qu'il faut... je voulais juste apporter cette précision qu'on parle d'Europe occidentale et qu'en Europe de l'Est, les différents pays se sont fait spécialistes de la collecte de données chiffrées dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à l'URSS notamment, juste avant qu'elle entre dans le mouvement olympique. Et il n'était question que de chiffres pour justifier des méthodes d'entraînement. Et aussi utiliser les chiffres pour leur valeur prédictive sur des planifications quadriannuelles pour les Jeux Olympiques notamment et pour prédire les résultats des pays concurrents. Donc c'est vrai que cette pratique-là n'a pas vraiment pénétré la culture populaire, je dirais, occidentale, mais elle existe depuis bien longtemps dans les pays de l'Est. C'est une quête de l'optimisation à tout prix, vous diriez ? Ça participe de ça, Loïc Moreau ? Moi, je dirais surtout que je pense que au-delà du fait que ce soit que c'est en Europe de l'Est, par exemple, il y a eu un intérêt pour les chiffres. Je parlais davantage en fait des médias. Je pense que culturellement, il y a vraiment une différence entre les États-Unis et les pays anglo-saxons en général et l'Europe un peu plus latine, celle dans laquelle on vit, nous, par exemple, en France, en Italie ou en Espagne. Et on le voit très bien, notamment Opta, qui est une entreprise anglaise à l'origine. Mmh. Qui est créé en 96 à Londres. D'ailleurs, c'est la première ligue britannique hein, qui est la première à introduire des statistiques. Exactement, parce que je pense qu'il y a vraiment un aspect culturel dans tout ça et qu'effectivement, les Anglais ont une appétence pour la stat qui est tout autre que les pays, on va dire, européens plus latins comme le nôtre. Et on le voit, même nous, quand leur rapport aux chiffres est totalement différent. Nous, comme vous disiez, Nicolas, il faut vraiment que la data soit bien mise en perspective et il faut peut-être même parfois que la forme prime un peu sur le fond pour rendre la data attractive et pour qu'elle suscite l'intérêt de nos concitoyens et des gens qui s'intéressent aux stats. Et pas que des gens qui s'intéressent aux stats, aussi des autres entraîneurs d'équipe, des joueurs eux-mêmes. On va voir que peut-être que vouloir absolument quantifier toute action sportive et tout comportement sur un terrain, ça transforme légèrement non seulement la nature du jeu mais la nature du statut du joueur. Mais avant ça, bien simplement, on va aller chez vous, Loïc Moreau, chez Opta France, où est allé Antoine Beauchamp cette semaine, pour comprendre comment sont collectées les données, qui les analyse, à quels usages sont-elles réservées. Voilà, on va faire un tour chez Opta France via le micro d'Antoine Beauchamp. Alors, sur un match, quel qu'il soit, à partir du moment où il est analysé par Opta, il y a trois personnes qui sont sur l'analyse stricto sensu du match. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va analyser, on prend l'exemple d'un Saint-Etienne-Lyon, une personne qui va analyser tout ce que font les joueurs de Saint-Etienne, une personne qui va analyser tout ce que font les joueurs de Lyon, et une troisième personne qui est derrière pour superviser. Ça veut dire que tous les événements qui ont lieu pendant ce match, il y en a environ en moyenne 2000 sur un match qu'Opta analyse, tous les événements vont être notés par ces analystes-là. Ces trois personnes-là, chacun un club, plus la personne qui supervise, qui en cas d'incident ou d'indécision sur une action donnée où on n'est pas sûr, est-ce que le ballon a été contré, est-ce qu'il n'a pas été contré, l'analyste derrière pendant un arrêt de jeu comme ça va pouvoir revenir Bref, pour résumer, ce qui est analysé pendant ces matchs-là, c'est absolument toutes les actions qui sont faites par des joueurs avec le ballon. Donc ça peut être du but, évidemment, donc au simple tir, en passant par la passe décisive, le dribble, l'interception, le ballon récupéré. On a en gros 2000 événements qui, du coup, sur un match sont analysés comme ça, qui sont répercutés dans plein de catégories différentes statistiquement. Et donc, à partir de ces statistiques-là, nous, notre métier à nous, Data Editor, basé ici, c'est d'en récupérer les statistiques intéressantes et de leur donner un contexte, les éditorialiser afin qu'elles soient exploitables, si j'ose dire, par le client, donc en l'occurrence par le média, mais plus simplement par le grand public plus largement. Ce qui veut dire que nous, on va voir un tableau de stats sur un match avec un tel a fait, je sais pas, 120 passes. Très bien, mais ça veut dire quoi qu'il a fait 120 passes en soi? Ça veut pas dire grand-chose, ça parle pas aux gens. Derrière, notre expertise, elle va permettre d'amener un contexte à ça, de dire que, je sais pas, Ndombele qui fait 120 passes sur ce match-là, bah c'est le meilleur total lyonnais, c'est le meilleur total du match, mais c'est aussi le plus haut total lyonnais sur les 5 dernières années en Ligue 1, par exemple. Donc là, ça donne un contexte, ça met en perspective la performance du joueur. Et nous, notre métier, c'est quand on voit un joueur qui fait une perf, qui fait une stat qui est impressionnante, lui donner un contexte, lui donner une valeur. Si Ronnie Lopez marque dans un match, bon, bah, il a marqué un but très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il l'a marqué lors de chacun de ses 9 derniers matchs en Ligue 1, par exemple, comme c'était le cas cette saison. Et que, sur les 10 dernières saisons en Ligue 1, il n'y a que Sonny Anderson qui a fait une série plus impressionnante. Là, on donne un contexte, là, on apporte une plus-value que le fan de foot qui regarde le match ne peut pas forcément avoir en tête. Alors ensuite, voilà, comment vous proposez ces stats et à qui vous les redistribuez finalement une fois que vous les avez digérées et que vous leur avez donné du sens? Nos clients, en fait, sont assez variés. La majeure partie de notre activité à nous, éditoriaux de chez Opta, c'est de traiter avec les clients qui sont des médias. Parce que les médias vont faire des requêtes en amont des matchs, pendant les matchs ou après les matchs, parce qu'ils vont faire des articles sur tel ou tel joueur, et du coup ils vont avoir besoin de statistiques pour étayer leur article, ou c'est un article ou un reportage, etc. Donc c'est les médias qui vont principalement nous solliciter, mais c'est aussi les sites de paris en ligne qui ont un intérêt pour faire parier les joueurs à mettre des stats en amont, genre ben, Griezmann c'est sûr qu'il va marquer lors de ce match-là, regardez il a marqué lors de 5 de ses 6 derniers matchs, ou bref un truc comme ça. Et donc ça peut être intéressant pour les paris en ligne, mais aussi pour les clubs professionnels qui ont besoin des stats de l'adversaire avant un match. Donc on travaille avec la plupart des clubs pro français de première division, enfin pas la plupart, mais les principaux en tout cas. Et donc on leur fournit en avant-match, en après-match, les stats de leurs joueurs et des joueurs, des futurs adversaires. Si on remonte loin dans le temps des statistiques sportives, les données étaient assez primaires, puis elles se sont affinées, elles s'affinent encore aujourd'hui. Quelles sont les plus récentes statistiques qui ont été développées ici et proposées à vos partenaires, à vos clients? Et ensuite, quelles sont éventuellement les autres données statistiques sur lesquelles vous êtes en train de plancher et pour demain, après-demain? La statistique qui, ces 2 dernières années chez Opta, est en train, entre guillemets, de monter et de commencer à entrer dans le langage courant des suiveurs du foot, c'est ce qu'on appelle les expected goals, qui n'ont pas vraiment de traduction en français, mais qu'on pourrait traduire par but attendu. Où en fait on détermine à chaque fois qu'un tir a lieu, quel était le pourcentage de chances que ce tir se transforme en but. C'est-à-dire que chaque tir d'un joueur a une valeur qu'on appelle une valeur XG sur 1 de 0, par exemple pour un penalty c'est 0,79, ça veut dire que 79% de chances de marquer sur un penalty. Donc ça c'est la statistique qu'on utilise de plus en plus parce qu'elle permet sur une saison, si vous voulez, de par exemple statuer si un joueur est en sur-régime ou au contraire en sous-régime et donc potentiellement de pouvoir anticiper sur la suite. Si on voit que par exemple Ronaldo sur le début de la saison qui vient de s'écouler, la saison 2017-2018, il n'a pas été bon en première partie de saison, on voit que sa valeur XG, donc sa valeur d'expected goal, est plus élevée que le nombre de buts qu'il a marqué. Ce qu'on peut se dire, connaissant en plus le passif du garçon, qui est quand même un mec qui marque beaucoup de buts, Ronaldo, bon, ben en deuxième partie de saison, normalement, il devrait carburer et équilibrer cette statistique. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il termine la saison meilleur buteur de Ligue des Champions. Et au-delà de ça, c'est une statistique qui, sur les équipes, se vaut aussi si on voit qu'une équipe est très bien classée en première partie de saison. C'était le cas, par exemple, en Ligue 1 cette saison de Caen, qui était plutôt bien classée à mi-saison et qui a complètement chuté en deuxième partie de saison. C'est quelque chose que les expected goals pouvaient nous permettre de prévoir, puisque on voyait bien qu'ils étaient en sur-régime, quelque part. Finalement, là, on est en train de se dire qu'il n'y aura plus vraiment de surprises dans le sport, ou comment ça se passe? Jamais de la vie, la statistique pourra remplacer la glorieuse incertitude du sport, rassurez-vous. On n'est pas là pour prédire les résultats des matchs, même si on a des outils qui permettent de le faire. Mais jamais ce sera possible de le faire complètement. C'est pas une science exacte et ça ne sera jamais, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pas une science exacte, mais ça s'en approche tout de même un petit peu. Loïc Moreau de la science exacte, et vous entendez votre collègue aussi, Damien Chernetsky, sur ce reportage chez Opta France. On s'approche quand même. Est-ce qu'il n'y a pas on va en reparler après, mais un peu de perte de la magie du sport, à vouloir absolument décortiquer, analyser, avoir tout en chiffres, pouvoir quantifier toutes les performances. Ben, disons que c'est souvent un argument qui est agité par les détracteurs en fait de la data, et je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour moi, le foot a toujours et aura toujours des impondérables qu'on pourra jamais mesurer. Par exemple, si encore une fois par rapport à ce que disait Patrick, le fait de contextualiser, il est primordial, parce que si vous arrêtez uniquement à la fiche de stade d'un joueur sur un match, par exemple, vous allez regarder, si vous faites votre jugement sans avoir vu le match, bien évidemment, juste en vous basant sur sa fiche de stade, vous allez peut-être le juger par rapport à sa prestation, alors que si ça se trouve, il y a des impondérables autour qui aideront à justifier cette même prestation, pardon. Par exemple, je sais pas moi, s'il s'est embrouillé avec ses coéquipiers, s'il a mangé quelque chose qui n'est pas passé, si l'entraîneur lui a donné des consignes totalement différentes, par exemple pour un attaquant, consignes plus défensives. Donc ces impondérables, ils seront toujours d'actualité, et à mon sens, on ne pourra jamais tout quantifier. Enfin, en même temps, sur l'exemple de Cristiano Ronaldo, c'était assez parlant. Pierre-Jean Vazel, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport au fait qu'il risque de marquer plus de buts. Oui, non, mais que finalement il gère ses performances en fonction de ses statistiques, et qu'il se dit bon ben voilà, maintenant il faut que je fasse un peu plus, enfin qu'il peut quantifier finalement son effort sur le terrain. Bah ça va dépendre des athlètes, parce que des sportifs, il y a certains sportifs qui sont plus chiffres que d'autres. Moi je l'ai vu dans ma pratique d'entraîneur, le premier athlète que j'ai entraîné, qui a toujours le record d'Afrique du 100 mètres, il était très chiffre, il fallait tout le temps le fournir en chiffres, et d'autres pas du tout. D'autres sprinteurs que j'ai eu, ils voulaient pas entendre parler des temps qu'ils faisaient à l'entraînement. Donc je suppose que Ronaldo a plutôt un attrait pour les chiffres, et c'est plutôt dans sa personnalité, alors que d'autres vont être plus sensibles, je dirais, à des remarques qualitatives sur leurs gestes ou sur des sensations kinesthésiques ou autres. Oui, Luc Moreau. Par exemple, il y a un exemple tout bête. Je ne sais pas si vous avez regardé donc le documentaire 98 Souvenirs de la victoire. Il y a deux séquences qui m'ont marqué. La première, c'est quand Philippe Bergerot raconte qu'il avait noté tous les pénaltys ratés par les Italiens en quart de finale, et qu'il a tendu donc son petit papier à Fabien Barthez, et qui finalement Barthez l'a envoyé un peu paître. Mmh. Il l'a déchiré. Et finalement, on connaît la suite, hein, il arrête les pénaltys d'Albertini, et finalement on s'impose. Et en finale, inversement, Jacquet avait donné des consignes très précises à Zidane par rapport au placement et les coups de pied arrêtés face aux Brésiliens, notamment qu'ils étaient friables au premier poteau. Et là aussi, on a vu la suite. Donc il y a vraiment, encore une fois, ça peut très bien aider à la performance, et ça peut parfois, il peut y avoir simplement du feeling et pas besoin des chiffres. Patrick Roux, votre sentiment sur portage et sur ce qui vient d'être échangé? Oui, moi ça me fait penser à ce qu'on a appelé à une époque la jurisprudence Makelele. Mm-hmm. Makelele, qui était un milieu récupérateur, un formidable milieu de terrain français, et qui à un moment donné, au moment de changer de club, je crois que c'était au moment où il quittait Vigo, avait failli partir en Angleterre. Les Anglais avaient dit finalement non, on le prend pas parce que ses stats sont pas bonnes, et il était parti au Real Madrid, et on sait la carrière qu'il y a fait. Et en fait, que disaient ses stats, c'est qu'il courait moins et il courait moins vite. Sauf que ça n'est pas signifiant comme ça, courir moins et courir moins vite. Il était toujours mieux placé. Et donc, ça lui permettait de courir moins, d'avoir à courir moins vite, mais de récupérer beaucoup plus de ballons. Le reportage finissait en disant finalement, on a les outils pour, c'est ce que dit votre collègue, on a les outils pour, mais on ne pourra pas prédire. Non, je commande ce qui se passe. Patrick Roux me fait un signe de la main en disant non, on n'a pas tout, on n'a pas vraiment les outils pour. Mais néanmoins, en analysant les données des joueurs, des performances sportives, en faisant tourner plus de 100 000 simulations, on a une équipe de statisticiens allemands et belges qui affirment pour le coup sur cette Coupe du Monde 2018, que c'est l'Espagne qui a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde, à 17,8% devant l'Allemagne, 17,1%, puis le Brésil et la France. Ça veut dire qu'on peut quantifier aussi les résultats. Qu'est-ce qui se passe si ces résultats-là, si ça tombe bien, Loïc Moreau? Disons que on dirait que c'est le hasard. C'est pas le hasard, c'est de la statistique. C'est de la statistique, mais là encore une fois, on se base en fait sur des chiffres. Donc ça, c'est bien évidemment. Mais on omet clairement des paramètres qui sont fondamentaux. Donc disons que pour toutes ces prédictions par rapport aux vainqueurs, je pense que c'est quelque chose. On n'a pas encore assez d'éléments pour pouvoir avoir une précision qui permettrait justement d'avoir le résultat escompté. Alors après, bien évidemment, si s'avère que l'Espagne gagne, on dira tout ça, c'est du génie. Et si par exemple c'est l'Allemagne ou le Brésil, par exemple comme le prétend Opta, que ce sera le Brésil. Vos simulateurs n'ont pas les mêmes résultats, voilà, ils aboutissent pas à la même chose. Voilà, chez nous c'est le Brésil. Donc voilà, après encore une fois, comment tirer des enseignements de ces choses-là. Je suis assez d'accord avec Patrick, je pense qu'on n'a pas forcément encore tous les éléments pour prédire, et tant mieux. Mais on voit aussi la manne financière que ça peut représenter pour les parieurs, Patrick Hoult. Exactement. Et on connaît un poulpe qui était un excellent... qui n'était pas rémunéré. Faisait très bien aussi ce travail de prédiction de résultats. Pas qu'il y a un chablon en Russie. Heureusement, prédire des résultats d'une compétition, ça reste pour l'instant impossible. Quoique, on sait, par exemple, dans le football des clubs, que, bon an, mal an, sur la durée, ce sont les plus riches qui gagnent. Donc, si on est le plus riche, on a plus de chances de gagner. Le PSG nous le prouve chaque année depuis quelques saisons. Il ne faut pas oublier non plus que les données que l'on collecte nous rendent intelligibles ce qui se passe sur le terrain, mais a posteriori. C'est-à-dire que c'est du passé. Et qu'à partir du passé fabriqué de l'avenir, ça demande des choses qu'on ne sait peut-être pas faire. Sauf quand les données sont générées en temps réel avec des capteurs. On va y revenir, mais j'aimerais un mot de Pierre-Jean Vazel quand même sur cette manne financière gigantesque que représentent ces données pour les parieurs sportifs, pour les bookmakers. C'est quand même une mine d'or. Oui, alors j'imagine que plus une équipe est cotée, moins les parieurs vont gagner d'argent. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, c'est aussi il y a aussi la dimension de pouvoir que peuvent avoir les clubs qui disposent des plus grandes bases de données et du pouvoir qu'ils peuvent avoir pour les analyser. Et on parlait des clubs les plus riches qui au final remportent le plus de matchs. C'est aussi ceux peut-être qui utilisent aussi le plus les datas. Je ne sais pas. C'est exactement ça. C'est terrible à dire, mais c'est vrai que ce sont les PSG, les Manchester City, qui bénéficient de cellules de performance qui sont sans commune mesure avec les clubs, on va dire, de milieu de tableau ou de bas de tableau. Et forcément, l'argent, parce qu'il faut se payer, hein, toutes ces cellules de performance. Donc forcément, le gap va se créer encore entre ces différents clubs, forcément. En Ligue 1 française, PSG, OL, OM, c'est à peu près les seuls qui utilisent des stats à ce niveau-là On a Monaco, mais effectivement, Monaco. C'est plutôt, il faut regarder top 5 de Ligue 1 plutôt que bottom 5, clairement. City lights, it's cheap at night, in Hollywood, my ace in the hole, my ace boom. It's been so long, happened so soon. Thought I lost your love, now I'm lost and found. Searching high and low, and underground. Got the bond back, and the bomb back. See when hearts race, we throw the batons back. We the finish line, we celebrate. Troubled minds, we meditate. With a handshake, not a contract. See a brother's love ignites with contact. Once hopeless, now I'm hopeful. Not remotely the path that we hope for. What we wrote for is all that we built, Pop. I'ma take it to the grave and the hilltop. Now that's love. First serve, it's like tennis. It's the love, love. Love, love, it's my tennis. It's a perfect match. It's the love, love. First serve, it's like tennis. It's the love, love. It's the love, love. It's like tennis. It's a perfect match. It's the love, love. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Back on home plate after running the bases. So many places, but nothing could replace our love, and I meant this. Left dad's an apprentice. Now that we're back, me and Dean's trying to be all in the pockets like Dennis. Sort of like tennis, serving the business. Birds of a feather, and together we in this. Tennis de la Salle sur France Culture à 16h bientôt 45. Et oui, déjà le temps file. Nous parlons de la Coupe du Monde de football et des statistiques appliquées au sport, au tennis entre autres, mais aussi au sport collectif. Nous en parlons avec Patrick Hoult, qui est chef de pôle haut niveau de l'INSEP, avec Loïc Moreau, responsable du bureau éditorial d'Opta France. Et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Lorraine Nord à Metz, avec Pierre-Jean Vazel, qui est entraîneur à l'athlétisme Metz Métropole et consultant pour le Monde Sport. On a commencé à aborder un peu critiques qui sont exercées à l'encontre de l'usage massif de la statistique dans le sport, puisque je vous rappelle que pour la première fois, cette Coupe du Monde 2018 de football va voir des joueurs sur le terrain avec des capteurs sur eux, des capteurs GPS pour avoir de la statistique et pour produire de la donnée en temps réel. Patrick Hoult, ces statistiques, ça a tout de même modifié un peu la façon de pratiquer les différents sports, ça a modifié un peu les enseignements qu'elles apportent, ça a modifié un peu la façon de faire du foot, la façon, on parlait du rugby tout à l'heure, le rugby a été changé, pas uniquement, mais en partie à cause de la statistique ? Ça a changé beaucoup de choses et ça va changer beaucoup de choses. Évidemment, ça va changer le rapport entre l'athlète qui s'entraîne et l'entraîneur. Si on prend dans un champ totalement différent, il y a une époque où le cycliste avait ses données d'entraînement qui étaient calculées par son entraîneur et qui lui donnait le lendemain. Aujourd'hui, il a des capteurs sur le vélo et il sait instantanément ce qui se passe. Donc, la valeur ajoutée de l'entraîneur, elle doit être ailleurs. Elle était dans cette capacité à calculer des puissances développées, tout ça. Maintenant, on a les capteurs de puissance sur les vélos et instantanément, on a les informations. Donc, ça change le rapport et le dialogue qui s'installe entre l'entraîneur et le sportif. Et dans un contexte professionnel, que ce soit de rugby ou de football, évidemment que les données de performance des sportifs crée sa valeur sur le marché. Donc les agents rentrent dans la danse en disant « Oui, mais mon athlète, mon sportif, mon footballeur, mon rugbyman est capable de produire tel type de performance, donc sa valeur est ici. Mmh. » Donc ça change le profil économique des échanges à l'intérieur des sports et en tout cas des transferts de joueurs. Ça change le rapport entre l'entraîneur et l'entraîné et ça change surtout la connaissance que nous avons sur le jeu, c'est les aspects cognitifs à la fois de l'entraîneur et de l'athlète sur le jeu, ça peut et ça va très certainement modifier notre rapport au sport de compétition dans les années à venir. Ça vient doucement, c'est en train de prendre beaucoup de place et je crois que la grande révolution numérique du sport n'est pas encore arrivée, elle est pour dans pas très longtemps. Je vais prendre un exemple que je voulais vous soumettre à vous trois et la réaction de Pierre-Jean Vazel pour commencer là-dessus, à propos justement de l'influence de la statistique sur le football, pour rester dans le foot, c'est l'équipe de foot allemande qui est la première à avoir reconnu l'influence concrète du data mining sur son jeu. Oliver Bierhoff, qui est un ancien joueur, explique qu'en misant sur des joueurs plus techniques, plus vifs que physiques, la qualité technique et le mouvement finissant du coup par créer des espaces et par noyer l'adversaire. Le résultat de l'application de ces statistiques, c'est qu'entre 2004 et 2014, le temps de contact par joueur avec le ballon est passé de 2,6 secondes à 1,1 seconde. Ça veut dire que tout de même, c'est une transformation de la manière de jouer, de la façon de jouer, de l'approche du jeu lui-même, Pierre-Jean Vazel, non ? Oui, et on parle de l'Allemagne, et c'est vrai que l'Allemagne réunit en fait deux approches un petit peu différentes, mais au final complémentaires des sciences avec le sport, c'est-à-dire d'un côté en RFA c'était plutôt la science fondamentale, et en RDA la science appliquée. Il y avait même une revue qui s'appelait Théorie et pratique de l'entraînement. Donc tout ça réuni fait qu'ils ont quand même une énorme culture du chiffre pour proposer des séances d'entraînement, des modifications de tactique, etc. Et non seulement dans l'entraînement, mais aussi dans la physiologie, dans la psychologie. Les ouvrages qui étaient publiés à l'époque en psychologie étaient en fait bourrés de chiffres, de colonnes de chiffres et de graphiques pour comprendre la psychologie humaine. Ce qui ne va pas de soi, évidemment, puisque aux États-Unis, à la même époque, les ouvrages qui étaient proposés, c'était des textes et des études de cas. Loïc Moreau, sur la modification du jeu, c'est vrai pour le foot, c'est vrai pour le tennis aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a vraiment. Je pense que l'arrivée de la data a permis d'avoir accès à des outils qu'on n'avait pas avant, et justement parfois changer le rapport au sport, ne plus considérer une discipline comme étant par exemple le simple fait d'exercer un don pour un sportif ou des questions de motivation. On se rend compte que à travers les data notamment, on ne néglige plus aucun aspect de la performance, et que plus on a d'outils à disposition et plus cette performance permettra d'aller loin et plus on mettra de chances de son côté de gagner. Et c'est ce qui fait maintenant la différence, notamment parmi les sportifs ou les clubs de très haut niveau. J'aimerais qu'on aborde aussi la question des données et l'exploitation des données physiologiques, puisque on peut avoir des capteurs qui ne sont pas juste des capteurs de mouvement pour connaître la position d'un joueur ou d'une joueuse sur le terrain, mais également des capteurs qui permettent de renvoyer via ce qu'on appelle des wearables, donc des objets connectés que les joueurs peuvent porter, qui peuvent envoyer un certain nombre de données physiologiques, évidemment le rythme cardiaque, l'essoufflement, et aussi par exemple je crois la saturation en acide lactique. Enfin, ça, on peut aboutir, Patrick Hult, à des données physiologiques qui sont extrêmement pointues, mais aussi extrêmement privées. extrêmement intime. Mm-hmm. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps ne me regarde pas, et ce qui se passe à l'intérieur du mien ne vous regarde pas non plus. Et on atteint là des limites intéressantes, parce que ça pose des questions, et des questions de droit, par exemple. J'évoquais avec votre assistante, il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que on peut mesurer en temps réel la température corporelle. Si pour un joueur de football, connaître sa température corporelle n'a pas beaucoup d'intérêt comme ça, si ce n'est pour des commentateurs qui vont dire « Ah, il est dans le rouge parce que peut-être sa température a augmenté », lorsqu'on parle d'une joueuse de football, ça peut changer la donne. Parce que une modification de température n'est pas nécessairement liée à une activité physique de courir après un ballon, mais peut être liée à sa période d'ovulation. Et peut-être qu'une jeune femme n'a pas très envie qu'on sache qu'elle est dans une phase de période d'ovulation, ou peut-être que ces données physiologiques qui vont être captées vont révéler le fait qu'elle est enceinte, par exemple. Elle n'a pas très envie, si elle est une sportive professionnelle, qu'on sache qu'elle est enceinte. Donc on voit bien que là, le droit n'existe pas. Il y a des jurisprudences à créer, il y a un certain nombre de choses. Et les joueurs de la NBA, il y a 2 ans, je crois, ont obtenu qu'un certain nombre de données ne soient pas utilisé au moment de la draft, et effectivement ça change notre la draft, rapport c'est le mercato, oui, oui. Ce qu'on dit à son médecin, on n'a peut-être pas envie de le dire à son entraîneur, et on n'a surtout pas envie, je pense, enfin j'espère, que ce soit capté par des gens qui vont les vendre pour les mettre sur les écrans de télévision et pour que les gens sachent ce qui relève de votre physiologie. On voit qu'on arrive effectivement, Pierre-Jean Vazel, aux limites de l'exercice. Alors je ne sais pas si c'est les limites exactement, mais Patrick Roule parlait tout à l'heure justement de la draft ou du mercato. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que l'influence des statistiques physiologiques, puissent avoir une influence sur le prix, sur le tarif d'un joueur ou d'une joueuse? Enfin, ça commence à devenir assez glaçant quand même comme perspective. Oui, moi ça me fait automatiquement penser à l'antidopage, puisque ces données physiologiques sont aujourd'hui le principal outil dans l'antidopage analytique, c'est-à-dire qu'on recherche plus aujourd'hui le produit qu'on a ingéré, mais la façon dont ce produit a affecté différents marqueurs du corps, tels qu'ils peuvent être mesurés lors des contrôles, notamment le taux d'hémoglobine, hématocrite et réticulocyte, qui font partie du passeport biologique. Et là aussi, il y a des problèmes de confidentialité, puisque régulièrement dans la presse, certaines valeurs sont outées, je dirais, et remettant en question l'intégrité des sportifs ou sportives, vu que c'est statistiquement, les données dépassaient les valeurs communément admises. Donc voilà, il y a cette donnée de priver, de rendre public médiatiquement certaines données qui peuvent effectivement être dangereuses, puisque on parlait tout à l'heure du cyber, pas tout à l'heure, mais dans l'une de vos précédentes émissions, du cyber hacking. Ah oui, c'était mercredi. Vous suivez l'émission, dites donc. Oui, je suis assidu. Ah, c'est gentil. Et je pense aux Fancybears, par exemple, qui ont leaké des informations biologiques de sportifs. Qui ont fait fuiter. Hein. Ils ont fait fuiter données physiologiques d'athlètes, et on ne sait pas si c'est dû au dopage ou simplement des maladies ou des conditions génétiques particulières. Loïc Moreau, sur cette question, parce qu'il faut savoir, moi j'étais assez surpris en préparant cette émission de voir que effectivement, notamment au rugby, sur cette histoire de saturation en acide lactique, c'est pour permettre de retirer un joueur du terrain quand il commence à être en saturation avant les crampes, ou notamment quand au rugby il y a des efforts physiques très intenses, mais c'est aussi faire fi de la dernière réserve qu'on peut avoir quand on a une pratique sportive. On se dit à un moment donné, ah, je sens que je vais craquer. Enfin bref, on a l'impression qu'à rationaliser ça lisse tout, et qu'on voit bien qu'on rentre dans un terrain un peu glissant en termes de données privées. Ah, mais pour le coup, je suis complètement d'accord, c'est tout bonnement effrayant, parce que chez Opta, on fait pas ça, je vous rassure, mais non, franchement, c'est vrai que là, on arrive complètement dans les limites, mais là, on arrive même à... se pose un problème éthique au final de savoir est-ce que, comme disait Patrick, est-ce que on balance sur la place publique, ou alors on donne moyen accès à ces données-là. Pour moi, c'est pas la lecture, en tout cas, que j'en fais par rapport à mon métier, qui est de donner de la statistique par rapport à la performance. Je pense que si cet axe venait à être développé, il faudrait que ce soit très encadré, avec de sacrés garde-fous. tout, et que ce soit pas destiné justement à un marché, justement un business par rapport à ces sportifs-là. Enfin, mais manifestement, les garde-fous, ils sont pas tout à fait là pour le moment. Pour l'instant, ils sont pas tout à fait là parce que la technologie n'est pas non plus tout à fait là. Pour l'instant, ce sont des technologies de laboratoire, elles sont très peu répandues, et elles se mettent en place. Mais on sait bien que lorsqu'une technologie est travaillée dans un laboratoire, lorsque des choses commencent à être produites, le temps désormais qu'elles arrivent sur le marché et qu'elles se répandent est très court. Il y a 10 ans, on n'avait pas de smartphone dans nos poches. On a tous des mini-ordinateurs dans nos poches extrêmement performants. Ça va très très vite et ça rentre dans les habitudes des gens très très vite. Donc il faut être vigilant. Et puis je ne suis pas sûr que c'est au monde du sport de dire la règle sur ce sujet-là. Je pense que c'est aux gens qui sont élus. Ça peut être aux fédérations internationales. Aux fédérations, et elles le font parfois, des fédérations nationales ou internationales qui règlent ces choses. Mais je ne suis pas sûr que ce soit au monde du sport. Je pense que ce sont réellement des questions d'éthique. Et on a un Parlement qui fait des lois, c'est son rôle. Une question pour conclure que je vais vous poser à tous les trois. Donc, cette Coupe du Monde de football, les joueurs vont avoir des trackers, des capteurs GPS sur eux. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que ça va changer pour nous, spectateurs, de notre expérience de ce mondial de foot? Luc Moreau. Alors, je dirais très peu de choses. On peut en attendre très peu de choses parce que pour... Il est content d'avoir fait une émission à ce sujet. Non, mais en fait, Nicolas, nous on part du principe pour que la stat ait un sens, qu'il faut qu'elle soit récoltée sur un échantillon qui soit large. C'est un peu comme les sondages. Si vous interrogez 10 personnes, ça va pas forcément être très pertinent. Si vous en interrogez 10 000, tout de suite, ça change la donne. Pareil pour les statistiques. Et là, se concentrer sur une compétition donc qui va durer uniquement un mois avec très peu de matchs au final, je pense pas qu'on puisse en tirer beaucoup, beaucoup d'enseignements parce que le laps de temps est trop court. Pierre-Jean Vazel, sur la stat en direct, c'est la première fois qu'on va avoir quand même des capteurs et donc de la statistique, de la donnée produite en direct, pas a posteriori devant un écran. Alors moi je suis super impressionné parce que l'année dernière au championnat du monde d'athlétisme, l'I2F, la Fédération internationale d'athlétisme a mené le plus grand projet biomécanique de son histoire avec des analyses sur chaque épreuve. Moi personnellement j'ai reçu 500 pages de données chiffrées, de tableaux et de graphiques à interpréter rien que pour le sprint. Et on les a toujours pas publiés. Enfin, moi, j'ai mis 3 mois à écrire, mais je devais interpréter d'un point de vue d'entraîneur et d'historien ces données. Là, on est fin juin, c'est toujours pas publié. Donc, j'attends de voir ce qui va être produit de cette Coupe du Monde. Et puis aussi, moi, d'un point de vue personnel, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse maximale des joueurs, qui est en général donnée à la fin des Coupes du Monde. Et quand on compare d'une Coupe du Monde à l'autre, les données n'ont rien à voir. Pourtant, c'est quelque chose de simple, la vitesse maximale. On passe de 29, je crois, à la Coupe du Monde 2010, à des 29 km/h, à des 33 ou 34 km/h en 2014. Là, je ne sais pas ce que ça va être. Je pense que ça dépend de la façon dont c'est mesuré, mais il y a la question de la précision des mesures qui est inquiétante. Patrick Roult, en un mot. Oui, en un mot, bien, ça ne va pas nous donner grand-chose parce que ce sont les équipes qui sont propriétaires des capteurs qui vont conserver ces données-là. Or, il n'y a qu'une marque qui a été autorisée, ces catapultes, ce sont des Australiens. Stats, par exemple, qui équipe beaucoup d'équipes, notamment l'Allemagne et autres, n'a pas été autorisée. Donc, je pense que rien ne viendra pour le public. Bon, ça ne nous empêchera pas de suivre les matchs malgré tout. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Patrick Roult, merci Loïc Moreau, merci Pierre-Jean Vazel, merci aux camarades de France Bleu Lorraine Nord pour le duplex depuis Metz. La suite, hein, tout au long du week-end spécial sur France Culture, c'est du sport. Je ne vais pas faire la liste de tous les programmes. Vous pouvez jeter un œil tout de même demain matin aux alentours de 9h05. À football, amour et désamour, c'est chez Alain Finkielkraut avec Vincent Duluc et Robert Redeker. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Hijement, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Alexandra Longuet à la réalisation, Clément Daté à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans un instant le magazine de la rédaction. Mon coach est un chercheur, suite du week-end c'est du sport sur France Culture par Jérôme Val. Tout à l'heure, le club du grain à moudre en direct du Bel Air à la maison de la radio, comme tous les vendredis, le monde penche-t-il à l'Est? Et pour ce qui nous concerne, lundi, nous parlerons des régimes alimentaires. Mardi sera question de la mangrove. Mercredi, nous parlerons de l'éducation au code informatique. Jeudi, de la politique de remboursement et de déremboursement des médicaments. Et vendredi, tour de table ronde de l'actualité des sciences et de la recherche. Voilà, n'oubliez pas de suivre également demain à 16h le camarade Étienne Klein dans la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.